braquer ton traîneau. Je vais égorger tes reines. Au nom de tous les mots, ma quitte à écorcher les rêves. La daronne qui se mordait les lèvres. Chaque fois que je lui demandais si elle t'avait bien porté mes lettres. 25-12, naissance du Christ. Et c'est que dépense du fric. Tu es tellement stupide, c'est con qui envoie le cash. Et qui garde le sourire pendant le braquage. Mais rien que tu mens, j'en ai plein le cul. Quand je vois une famille euphorique devant une dame fumante. Après le réveillon, on fait le total. Pour un con sorti d'une bouteille de coca. Fini d'être l'otage, ta fête, je la baisse. Voilà un barbu plus dangereux que Ben Laden. 25-12 grammes de conso paye ta zèle. Que comme tous les soirs, je me pète la tête. Moi aussi, j'ai des cadeaux pour les enfants. J'ai pas de reine ni de traîneau dans ma haute, y'a que des pansements. Des feuilles à rouler, du whisky, du tushy, c'est la fête. Mec, les tapettes vont payer le prix. Moi aussi j'ai des cadeaux pour les enfants. J'ai pas de reine ni de traîneau dans ma haute, y'a que des pansements. Des feuilles à rouler, du whisky, du tushy, c'est la fête. Mec, les tapettes vont payer le prix. Oula, je vois que je fasse péter le thermomètre. Fils de manque notre CD à ce putain de Père Noël. Je rêve d'oseille, j'ai rien à foutre du 25 décembre. Ou bien des gens qui me promettent de faire une descente. Suce mes goulets, lèche ma guirlande. Si je bande, je cracherai dans ta gueule ma sauce piquante. Moi aussi j'ai des cadeaux pour les enfants. J'ai pas de reine ni de traîneau dans ma haute, y'a que des pansements. Des feuilles à rouler, du whisky, du tushy, c'est la fête. Mec, les tapettes vont payer le prix. On va avec une race basse au nord. J'encule les Sarah Connor, Al Cap, ce Terminator. J'apparais le jour de la naissance de Jésus avec des verminards corsés. L'unité de feu, Kevin Ramos. Mes petits salauds s'en sortent toujours comme dans les films Stallone. Moi aussi j'ai des cadeaux pour les enfants. J'ai pas de reine ni de traîneau dans ma haute, y'a que des pansements. Des feuilles à rouler, du whisky, du tushy, c'est la fête. Mec, les tapettes vont payer le prix. Moi aussi j'ai des cadeaux pour les enfants. J'ai pas de reine ni de traîneau dans ma haute, y'a que des pansements. Des feuilles à rouler, du whisky, du tushy, c'est la fête. Mec, les tapettes vont payer le prix. Ça se lève au matin, oublie les mocassins. Cours sous le faux sapin qui brille de mille feux. Les parents pas trop radins, fouillent tous les magasins. Des bourses pour les pots gamins qui prient de mille vœux. Le Père Noël, super nouvelle. Il n'existe pas, on perd nos ailes d'innocents. Comprends que mère père nous aime plus que tout au monde. Dès que tu les as plus, tout te manque. C'est depuis que père a tracé que j'y crois plus puisque tu te demandes. Je devais avoir 6 ans, 6 ans. J'avais écrit de le revoir vivant. Vivant encore à l'époque assis sur le divan. 10 ans, joyeux Noël vient dans mes bras fistons. J'ai besoin d'un assistant. Voyons-nous et que ma mafia t'y sort sur chaque page qu'on laisse. Ou je peux dire que Santa Claus est le plus ancien bâtard que je connaisse. Il a boycotté l'Afrique, j'aurais beau écouter sa zig. Sa magie n'aura que des points de côté à vie. Moi aussi j'ai des cadeaux pour les enfants. J'ai pas de reine ni de traîneau dans ma haute, y'a que des pansements. Des feuilles à rouler, du whisky, du tushy, c'est la fête. Mec, les tapettes vont payer le prix. Moi aussi j'ai des cadeaux pour les enfants. J'ai pas de reine ni de traîneau dans ma haute, y'a que des pansements. Des feuilles à rouler, du whisky, du tushy, c'est la fête. Mec, les tapettes vont payer le prix. J'vais pratiquer ton traîneau, j'vais égorger tes reines. Au nom de tous les mots, ma quitte à écorcher les rêves. Pratiquer ton traîneau, j'vais égorger tes reines. Au nom de tous les mots, ma quitte à écorcher les rêves.